Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Et il y en a beaucoup qui se sont fait tirer dans le dos. À cette époque, je ne pensais pas beaucoup à ce qui se passait dans le pays. Tout le monde était délinquant. Nous n'étions pas très conscients. On volait, on truandait, on essayait de survivre. You know dang well when you go there, there's only three or four jobs. The guy will come out with two. Les survivants marchent toujours avec ce fantôme à leur côté. Le fantôme des jours où la vie est devenue si dure. Yeah, I need two guys for the bold gang, two guys to go in the hole, whatever, you know. A thousand men would fight like a pack of. J'ai découvert, pour la première fois de ma vie, qu'il y avait dans la campagne un endroit qu'on appelait les îles. Le pays était très plat, et quand il pleuvait, il fallait pratiquement prendre un bateau pour y aller. Épisode 5. Vivre en dépression, résister. I'm spending my nights at the clubhouse. I'm spending my days on the street. I'm looking for work and I find none. I wish I had something to eat. Je m'assois près d'eux et j'attends. Souvent, après les premières hésitations, ils parlent longuement. On est en 69 et on parle de 29. C'est loin. Moi aussi, j'ai des souvenirs de la Grande Dépression. Je leur pose et me pose avec eux des questions simples. Ils répondent. Parfois, ils souffrent. Parfois, ils sont gagnés par l'euphorie. Dans quelle faille chez eux mes questions se glissent-elles? Dans quelle part de résistance, de force? Ce qu'ils donnent au micro... Ce qu'il me donne me surprend toujours. Où en sommes-nous 40 ans plus tard? Récemment, un journal a envoyé sur les routes deux jeunes journalistes. Ils ont voyagé pendant quelques mois sur des trains de marchandises. Leurs grands-parents leur avaient parlé des années 30, ils ont retrouvé les mêmes visages. Quand les gens n'ont plus rien, ils ont toujours la même tête, a dit Williamson. Dans des fourgons où ils pouvaient à peine bouger, ils ont côtoyé des nomades d'un genre nouveau. Des hommes qui venaient d'une usine fermée, d'une ferme abandonnée ou d'une petite entreprise en faillite. Je roulais ma bosse à travers le pays et je finissais toujours par revenir chez moi, dans le Dakota du Sud. Ma sœur et son mari avaient une petite ferme. C'est un refuge. J'y ai joué un temps au baseball, en semi-pro. À partir de 1926, alors qu'il avait 14 ans, Ed Paulsen est allé d'état en état. J'ai travaillé à assommer du bétail, à 10 dollars par mois. J'ai jamais aimé rester quelque part. Je faisais toujours une virée à Los Angeles ou San Francisco. Mais tout le monde parle du crack de 1929. Dans les petites villes de l'Ouest, on savait pas qu'il y avait un crack. La bourse pour nous, ça voulait rien dire. On s'en foutait. Quand vous étiez à la Cut Bank dans le Montana, qui avait des actions? Le fermier n'était qu'une balle de ping-pong dans un jeu sans pitié. Il a ramassé des pommes à Washington, lavé des draps à Los Angeles et travaillé comme cantonnier sur toute la côte. C'est devenu de plus en plus dur. On ne savait pas comment se débrouiller en ville. C'était terrifiant. Il y avait de grandes files d'attente pour la soupe populaire. On ne savait pas comment se mettre dedans. Moi et mon frère, on n'avait jamais imaginé faire ça. Et on avait les idées de la classe moyenne, mais sans en avoir le revenu. On s'est retrouvé à San Francisco en 31. J'ai essayé d'avoir du boulot sur les quais. J'étais un sacré athlète, grand et tout, mais il n'y avait pas de boulot. Déjà à l'époque, quand tu cherchais un boulot dans une station-service, il te fallait un diplôme d'université. Et le marché était comme ça. Je me levais à 5 heures du matin et j'allais sur le front de mer. À la raffinerie de sucre, devant les portes, il y avait un millier d'hommes. Et tout le monde savait qu'il n'y avait que 3 ou 4 postes à pourvoir. Le gars sortait avec 2 petits flics de Pinkerton. J'ai besoin de 2 gars pour l'équipe de manutentionnaires et de 2 gars pour aller dans le trou. Les 1000 gars se battaient comme une bande de chiens de l'Alaska pour être pris. Et il n'y en avait que 4 qui arrivaient à passer. Et j'étais trop jeune. Alors on allait à l'allée Skid. Là aussi, il y avait des milliers de gars. Des gars montés sur des caisses, qui faisaient de drôles de discours, qui avaient leur théorie sur l'économie. Vers 11h30, les vrais chefs prenaient le relais. Ils disaient « Ok, on va aller à la mairie. » Ah, je me souviens de nos revendications. On veut du travail, on veut un abri pour nos familles, on veut à manger, ce genre de trucs. La moitié des gars qui demandaient ça, c'était des noirs. Il n'y avait pas une grosse population noire à San Francisco à l'époque. Mais ils étaient drôlement malins, les chefs. Ils se débrouillaient toujours pour avoir un mélange de blancs et de nègres. Je me souviens, j'étais jeune, ça me paraissait courageux, les revendications. Parce qu'on savait qu'ils allaient rien nous donner. On exigeait qu'on mette les maisons non louées à notre disposition et qu'on donne un logement décent à nos familles. Mais on savait qu'ils voulaient pas et qu'on n'aurait rien. Le défilé faisait 4 pâtés de maison de long. Personne n'avait un centime. Et puis en même temps, il y avait des types, à un coin de rue, qui essayaient de vendre des pommes à tous ces gars-là sans un rond. Les gars se sont mis à crier et on a vu arriver des chevaux. Ils utilisaient des flics à cheval en ce temps-là. Ensuite, on s'est battu. Et finalement, il y a eu des morts. Je crois qu'il y a eu 3 morts ce jour-là, en plus des blessés. C'est devenu vraiment rude. Hein, parce que les gars avaient amené des billes et les balançaient sur les flics dans la rue. Et les chevaux glissaient. Ça rendait les flics fous et ils devenaient violents. Ces bagarres étaient complètement inutiles. Parce que, quelque part, on n'a jamais cru qu'on pouvait gagner. On avait un sacré complexe de perdant. C'était ça le sentiment dans la foule. Il y en a beaucoup qui se sont réfugiés à l'armée du salut. Il était déjà 1h et on avait faim. La plupart d'entre eux, c'était les pères de famille. Ils voulaient juste avoir du travail. Il y avait quelque chose de vraiment étrange dans tout ça. Quand une négresse disait « Mademoiselle Machin, il nous reste de la nourriture froide du déjeuner. Pourquoi vous ne la lui donnez pas ?» La patronne disait « Non, non, ne lui donne rien. Sinon, il reviendra demain avec toute une bande. Il vaut mieux qu'il trouve un travail. » Alors, on était de plus en plus nombreux et il y avait de moins en moins de travail. Alors à un moment, c'est comme si San Francisco s'était arrêté. Plus rien ne bougeait. On n'en voulait pas tellement à la société. On était dans l'incompréhension, pas dans la colère. On n'avait pas spécialement l'impression qu'on se moquait de nous. On parlait pas de révolution, mais on parlait de boulot. Le monde était dur, c'est tout. Et on était nés là. C'était l'hiver 33-34. J'allais à la bibliothèque et je prenais des livres que j'avais jamais lus. On allait chercher du boulot le matin. Vers 11h, on renonçait, alors j'allais à la bibliothèque. C'est là vraiment que j'ai fait mon éducation. On était 3 frères. On a pris un train de marchandises et on s'est rendu à Portland. Une vue magnifique sur le fleuve. Par beau temps, quand on montait sur le toit du wagon, c'était magnifique. On était dans un train transportant des oranges. On voyageait dans le wagon réfrigéré jusqu'à Kansas City. Un voyage vachement dur. On a coupé les filets et mangé un paquet d'oranges. On se bourrait de vitamines. Mais ça finit par brûler la bouche, le jus acide. Et on a tous eu mal aux dents. Je pouvais presque plus fermer la bouche. On arrive à Omaha, de nuit. J'étais glacé jusqu'aux os. On était presque mort de froid. Tout d'un coup, le train est encerclé par des vigiles armés. Un type nous dit « Montez dans ces camions !»« Pourquoi faire ? On n'a rien fait !» Et lui « On va pas vous mettre en prison, vous allez dans un camp provisoire !» Ils nous ont emmenés dans un vieux hangar de l'armée. Ils nous ont fouillés, pris nos vêtements, ils ont passé au détergent, ils nous ont fait prendre un bain. Il était minuit. On est sorti, il y avait une table avec des œufs brouillés, du bacon, du pain, du café, des toasts. On a mangé un repas incroyable. C'était merveilleux. On est monté se coucher à l'étage. Il y avait des lits superposés, des draps, des brosses à dents, des serviettes, tout. Là, je me suis assis sur ce foutu lit. Je peux vous dire, j'étais complètement halluciné. On se serait cru au paradis. Al était un gosse. Il avait 17 ans. Il a dit, mais où est-ce qu'on peut bien être? J'ai dit, je sais pas, mais c'est sûr que ça nous change. Hey, mister. And he would stop, you know, and say, come here. And he'd come back and say, look, you come back by after a while and I'll put some La fille noire, elle prenait la nourriture et l'enveloppait dans du papier journal. Des fois, elle courait au bout de la rue et elle criait au clodo, hey, monsieur, venez là. Et elle disait, revenez un peu plus tard. Et je mettrai à manger dans un sac, je le poserai à côté de la poubelle. Alors il avait à manger. Et elle glissait aussi un morceau de savon et un rasoir ou autre chose. Les Noirs donnaient toujours à manger à ces clodos. Le lendemain matin, ils nous ont présenté un travailleur social. Il y avait un millier de gars là-dedans. Il y en avait qui jouaient au baseball, d'autres qui nettoyaient les murs, des clodos, des durs qui étaient sur la route depuis des années. C'était comme une grande salle de jeu, hallucinant. J'aurais pu tout aussi bien finir à Sing Sing qu'à l'ONU. Autant de chance. Oui, tout le monde était délinquant. On volait, on truandait, on essayait de survivre. En volant des fringues dans les magasins, du lait devant les portes, du pain. Et c'était pas grand-chose, mais ça créait une mentalité de coyote. On était des prédateurs, on n'avait pas le choix. Le coyote est malin. Il peut se montrer incroyablement courageux et en même temps très lâche. Il est le premier à fuir, mais s'il est coincé, il sait se battre. J'ai grandi à un endroit où on les détestait parce qu'ils tuaient des moutons. Ils tuaient un veau, ils entraient dans le poulailler. Ils sont méchants. Mais qu'est-ce qu'un coyote peut faire s'il veut rester en vie? Et il n'a pas la force du loup. C'est une petite bestiole. Il est dans un tel état qu'un chien peut le mettre au pas. C'est pas un renard. Il est une victime de la nature autant que de l'homme. Dans les années 30, nous, les chômeurs, on était des coyotes. Non, je vois pas la dépression comme une expérience qui nous aurait ennoblis. Les survivants marchent toujours avec ce fantôme à leur côté. Le fantôme des jours où la vie est devenue si dure. Right now. And some food. We always would give them food. Many times I have gone in my house and taken my husband's. And it got worse and worse and worse. More and more men after fewer and fewer jobs. Les banques se sont effondrées à peu près au moment où j'entrais à l'université. C'était ma première année et je suis rentrée à la maison pour Noël. Le téléphone était coupé. C'est comme ça que j'ai réalisé que le monde s'écroulait. Nous, sans téléphone. On m'a élevée dans l'idée qu'aucun prince de sang n'était trop bon pour moi. Diana Morgan était une belle du Sud dans une petite ville de Caroline du Nord. Son père, marchand de coton prospère, possédait un grand magasin. Une maladie chronique et l'avenue de la dépression provoquèrent la faillite. Quand j'ai fini l'école, je ne pouvais pas ignorer le fait que nous n'avions plus de cuisinière, ni de femme de ménage. J'ai vu de la poussière sous les lits, ce qui m'était jamais arrivé. Je voyais que les rideaux n'étaient plus aussi propres. Les choses commençaient à avoir l'air un peu défraîchies. Je me suis jamais sentie aussi vieille que pendant les deux premières années à la fac. Parce que j'avais pas encore trouvé une nouvelle vie. Et que l'ancienne était finie. À cette époque, je pensais pas beaucoup à ce qui se passait dans le pays. Nous n'étions pas très conscients. Et un jour, un ami de mon père m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit « Tu veux du travail ?» Une de mes amies dirige un programme du New Deal, elle t'en dira plus. J'étais très enthousiaste, je savais pas quoi faire, alors l'idée d'avoir un travail, j'étais très nerveuse, mais j'y croyais. Madame Ward est arrivée. C'était une femme très intimidante. Elle devait avoir 45 ans ou plus, mais elle me donnait l'impression d'une personne un peu effrayante, d'un autre monde, d'un temps ancien. Elle m'a juste dit, c'est pas un travail pour une princesse. Elle m'avait jeté qu'un coup d'œil. Elle était capable de me dire que j'étais pas du tout faite pour ça. J'ai répondu que j'étais jeune, consciencieuse, que si on me disait ce qu'il fallait faire, je ferais certainement l'affaire. Elle ne m'a donné aucun encouragement. Après son départ, j'ai pleuré pendant une heure. J'étais vraiment à bout. J'ai sangloté et sangloté. Je la trouvais vraiment injuste. J'ai été stupéfaite le lendemain quand j'ai reçu le télégramme me convoquant à une réunion de directeurs du travail des femmes. Embaucher des noirs pour des boulots pour lesquels ils n'auraient pas pris de blanc. Les femmes n'auraient pas embauché une blanche pour faire le ménage, parce qu'elles avaient trop peur qu'elles leur prennent leur mari. Il y avait là une douzaine de femmes de tout âge, venues de tout l'État. Ça me semblait très chaotique. Tout le monde s'agitait, parlait de projets de tissage, de mise en conserve, de reliure de livres. Tout le monde avait l'air très compétent. Et je ne savais vraiment pas de quoi ils parlaient. Et personne ne m'a vraiment dit ce que j'étais censée faire. Les gens étaient très occupés, mais j'ai fini par comprendre que j'en étais. Je me suis rendue dans les bureaux d'aide sociale du comté, au tribunal. Il y avait plein de femmes assises par terre, dans un grand hall, des noirs pour la plupart, l'air triste, déprimé. Certaines avaient des enfants avec elles, d'autres étaient très vieilles. Il y en avait des rangées, assises là, attendre. Ma première impression fut « Oh, ces pauvres diables, assis là, et personne pour leur dire, ne serait-ce que « On va s'occuper de vous dès que possible ». Je connaissais rien au travail social. Je ne savais pas ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Mais mon premier élan, ça a été de me dire qu'il fallait donner à ces gens le sentiment que quelqu'un s'intéressait à eux. Sans rien demander à personne, je me suis avancée au milieu d'elles et j'ai dit « Ça fait longtemps que vous attendez ? On va s'occuper de vous. » Que ce soit un blanc ou un noir, on leur donnait. On ramassait des trucs dans les champs, du maïs, des noisettes, et on les mettait dans un sac en tissu. Parce qu'un sac en papier, ça risquait de percer. Quand ils avaient faim, ils s'arrêtaient, ils faisaient un feu, ils faisaient griller le maïs. On faisait ça, nous aussi. On adorait ça. Et on leur donnait du sel et des trucs qui se gardaient. Ils s'asseyaient et ils parlaient, et ils nous racontaient leur malheur. On ne demandait jamais si c'était vrai. J'ai découvert que, pour avoir droit à une aide, il fallait vraiment toucher le fond. Et en plus, il n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'une fois que vous leur aviez donné une aide d'un dollar par jour pour manger, ils n'avaient toujours aucune chance de s'en sortir. Caroline, qui avait cuisiné pour nous, est venue là. J'étais très choquée de la voir dans une situation où elle était obligée de venir à l'agence, demander de la nourriture. J'étais gênée pour elle, qu'elle me voie, alors qu'elle était dans cet état. C'était une femme merveilleuse, avec un grand cœur. Elle était là, déjà âgée. Et sa santé qui n'était plus aussi bonne, elle m'a dit « Oh, c'est bien le Seigneur qui vous a envoyé du ciel pour me sauver. Les temps sont durs. Comme vous êtes belle, vous ressemblez à un ange. » Elle me flattait d'une manière typique des nègres du Sud. Je me sentais humiliée de la voir se mettre dans cette position, d'en arriver là. Pendant des années, je ne m'étais jamais demandé pourquoi les murs de la maison de Caroline étaient couverts de papier journal. Elle avait été notre blanchisseuse à une époque, et je me souviens être allée plusieurs fois chez elle. Caroline habitait dehors, dans le jardin, juste un petit carré de terre dure, avec une grande bassine en fer. Il y a un feu en dessous, fumant, où bouillait le linge blanc. Elle était toujours gentille. Elle m'invitait toujours à entrer. Elle ne s'est jamais excusée pour l'allure qu'avaient les choses. À l'époque, je me disais, comme c'est étrange que Caroline ait mis du papier journal sur ses murs. J'étais pas assez maligne à 11 ou 12 ans pour me dire, qu'est-ce que c'est que ce pays qui laisse vivre les gens dans des maisons comme ça et les oblige à utiliser le journal du dimanche comme papier peint. J'ai honte de ne pas pouvoir vous dire, quand j'avais 12 ans, j'ai été horrifiée la première fois que je suis entrée dans cette maison. J'avais été surprise, mais pas horrifiée. C'est très important de prendre les gens comme ils sont. Tout le monde peut enquêter, écrire un livre sur telle ou telle personne, mais ce livre ne dit pas toujours comment elle était vraiment. Quand vous parlez à quelqu'un, elle est comme ça, en entier, mais demain, elle sera peut-être différente. Les filles au bureau étaient tout à fait prêtes à me laisser interroger les gens. Elles avaient bien assez à faire. Et je me souviens que quand une personne venait au bureau demander une aide, il fallait remplir un formulaire et poser plein de questions humiliantes. Est-ce que quelqu'un dans la famille travaille ? Êtes-vous propriétaire d'une maison ? Avez-vous une voiture ? Il fallait établir le fait qu'ils n'avaient rien. Rien à manger et des enfants. Alors on leur donnait un bon pour de la nourriture. On ne pouvait pas leur donner des chaussures ou de l'argent pour des médicaments sans leur rendre visite et confirmer le fait qu'ils n'avaient rien. J'avais jamais été dans les campagnes. J'étais absolument effarée par la situation dans le pays. J'ai découvert, pour la première fois de ma vie, qu'il y avait dans la campagne un endroit qu'on appelait les îles. Le pays était très plat, et quand il pleuvait, il fallait pratiquement prendre un bateau pour y aller. Je me souviens être restée coincée dans ma Ford de location. Alors, j'ai cassé des petits arbres, je les ai posés en travers de la route pour avoir un peu de traction, et j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, je pense à ça comme une de mes plus belles expériences. Si quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que tu ferais avec l'éducation que tu as reçue ?» Si tu te retrouvais à 7 heures du soir perdu dans la nature, avec ta voiture bloquée, et de l'eau jusqu'à tes essieux, ou quelque chose du genre, est-ce que tu t'inquiéterais? Je pourrais m'en sortir. Je me débrouillerais très bien. Ça aide à se sentir libre. C'est très important de voir les gens comme des gens, et de ne pas les voir seulement comme à travers un livre. C'est avec l'expérience qu'on apprend ça. Avec l'âge. Il y a plein de gens qui ont reçu une bonne éducation, mais quand on en vient au bon sens, surtout sur les gens... Il n'y a pas longtemps, j'étais invitée au bal des grandes familles de Virginie. Ils ne savent plus rien. Au George Mason Hotel. Un piquet de grève y avait été installé la semaine précédente parce qu'ils payaient très mal leurs employés. Du genre 75 cents de l'heure. Quand j'ai répondu à l'invitation... J'ai pas juste dit « Madame Intel regrette de ne pouvoir accepter ». J'ai écrit une lettre pour dire que je ne pouvais pas me rendre dans un hôtel où les salaires étaient aussi injustes. Mon mari était très surpris. Il a dit « J'aurais jamais cru que tu prendrais ce genre de position ». « Moi non plus », ai-je répondu. Est-ce qu'il faudra que les gens de Lake Forest voient leur maison réduite en cendres ou bombardée ? Pour prendre conscience de l'état de la société. Tant que ça se passe à des kilomètres ou en ville, si vous vivez en banlieue résidentielle, au mieux, vous voyez les choses à travers les journaux. J'aime à penser que même si nous n'avions pas perdu notre maison, même si j'avais pas eu cet emploi à la Civil Works Administration, j'aurais fini par me réveiller un jour. Ou alors peut-être que j'aurais jamais compris ce que les gens vivaient, si je n'étais pas moi aussi passée par là. Peut-être qu'il faut vivre soi-même les choses. Si cette époque a été tragique ou dure pour certains, pour d'autres, ça a été la grande vie, la belle vie, ou au moins l'occasion d'une rencontre lumineuse avec sa propre puissance. De toute catastrophe, il est possible de tirer profit. Moi, j'ai tiré parti de la dépression, mais d'autres aussi. Prochain épisode avec William Benton, le directeur de l'agence de publicité la plus rentable qu'un homme ait jamais créée, et Knut Andersen, peintre et sculpteur, né en Norvège et arrivé à Chicago il y a 45 ans. Vous savez, la dépression, pour moi, ça a été une bénédiction. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. Cinquième épisode. Avec Jackie Berroyer, Studs Terkel, Mohamed Rouabi, Ed Poulsen, Laurence Février, Diana Morgan, Félicité Wassy, Emma Taylor. Et les voix de Jean-Paul Faré, Johan Leysen et Chloé Baker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déreté, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.